Exercice 2, page 28. A. Ils construisent une maison. B. Ils mentent encore. C. Ils grandissent aussi. D. Ils finissent aujourd'hui. E. Elle plaît énormément. F. Elle lui dit au revoir. G. Elle perd au jeu.